Histoire avec un S à Paris au Théâtre Antoine. Bonjour, c'est Franck Ferrand. Tous les jeudis, vendredis et samedis, je fais monter l'histoire sur scène et viens à votre rencontre pour 20 représentations exceptionnelles. Et chaque soir, c'est vous qui faites le programme. Retrouvez Franck Ferrand dans Histoire au Théâtre Antoine à Paris, un spectacle Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. En voiture, tout le monde, c'est un voyage en train que nous propose aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Clive Lamming n'est pas seulement un très grand connaisseur des trains, il possède aussi le don de vous rendre le chemin de fer passionnant. Et pour ma part, je n'oublierai jamais le voyage que j'avais eu la chance, la joie de faire à ses côtés en TGV jusqu'à la cité du train de Mulhouse. Pour le moment, je vous propose d'aller découvrir toutes les difficultés qu'ont eu à surmonter ceux qui ont construit la transcontinentale américaine. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. 1869, Promontory Point. Nous sommes au milieu du désert américain. Un immense désert aride qui s'étend depuis l'Utah jusqu'au Nevada. C'est une des régions les plus belles, les plus sauvages, les plus enivrantes d'Amérique. J'ai eu la chance de la visiter il y a quelques années. C'est tout simplement hallucinant. On a l'impression d'être sur une autre planète avec ses déserts rouges à perte de vue, son grand lac salé, les canyons spectaculaires et puis ses montagnes sculptées par l'érosion, avec aussi une faune souvent très dangereuse, hein, il faut pas avoir peur des araignées ou des serpents, et puis les troupeaux de bisons, bien entendu. C'est là que s'est construite la légende du Far West, avec sa dure loi du plus fort. Ce jour-là s'achève la construction de la plus grande ligne de chemin de fer des États-Unis, la toute première transcontinentale américaine, qui relie donc l'Atlantique au Pacifique. Vous imaginez ça? Un véritable exploit technique. Près de 20 000 hommes ont travaillé avec acharnement à la construction de ce chemin de fer. Une grande partie de la population ouvrière engagée dans cette aventure ayant même fini par y sacrifier sa vie. Il a fallu braver un froid glacial, celui des montagnes de la Sierra Nevada. Il a fallu enjamber des canyons et des gouffres immenses, laisser derrière soi des hommes morts et continuer coûte que coûte. Tout a souvent laissé croire que cette ligne de chemin de fer ne verrait jamais le jour. La construction de ce transcontinental américain, c'est une épopée, que voulez-vous. Une épopée qui a commencé 6 ans plus tôt, en 1863. 63, ça voulait dire que Abraham Lincoln est alors président des États-Unis depuis 3 ans. Il fait face à l'une des plus violentes crises de l'histoire américaine, la fameuse guerre de sécession qui fait rage sur le territoire américain et qui menace d'ébranler l'unité du pays. Ce conflit marque une parenthèse sanglante dans un processus qui avait été déjà entamé avant, ce qu'on appelle la conquête de l'Ouest, toujours plus à l'Ouest, au Far West. Des milliers d'Américains sont attirés par cet Ouest tellement convoité et qui paraît tellement riche de promesses de toutes sortes et de richesses. La ruée vers l'or, l'or de la Californie notamment, a attiré quelques décennies plus tôt des aventuriers venus du monde entier. Dans cette expansion économique de l'Amérique, le chemin de fer joue un rôle absolument déterminant. Le développement américain, c'est d'abord le développement du chemin de fer. Or justement, il n'existe aucune voie, il n'existe pas de rail qui traverse les États-Unis d'est en ouest. Pour accéder aux territoires occidentaux, il faut passer des plaines sur plus de 3000 kilomètres et des déserts et des montagnes avec des espèces de chariots bâchés comme dans les westerns, vous savez. Il faut 6 mois à l'époque ou même 7 mois pour traverser le pays et il y en a beaucoup qui meurent en chemin, sans parler des convois qui se perdent, vous savez, parce que les cartes ne sont pas précises. On avait raconté une histoire absolument atroce à ce sujet, je me rappelle, il y a quelques années. Bref. Au début des années 1860, le président Lincoln engage l'Amérique dans un défi gigantesque, la construction de cette fameuse ligne de chemin de fer transcontinentale. On va demander aux meilleurs ingénieurs du pays de déterminer un tracé intelligent, de trouver la route, si vous voulez, qui va devoir traverser la Sierra Nevada, ces montagnes qui déjà ont tué tant d'hommes qui essayaient de les franchir. Au printemps 1862, le Congrès des États-Unis adopte le Pacific Railroad Act. C'est une loi qui confie la construction de la ligne à deux compagnies ferroviaires privées en délégation. Elles débuteront les travaux chacune à un bout du pays, l'une partant de l'ouest de la Californie et l'autre partant de l'est, bien entendu. Il va bien falloir finir par se rejoindre au milieu, à un point qui a été défini au préalable par le gouvernement. C'est la ville d'Ogden qui est à petit peu près à équidistance des deux points de départ. Quand je dis la ville, vous imaginez l'allure de la ville en question, bien sûr. Chaque compagnie devra poser 60 km de ligne chaque année si elle veut continuer de recevoir des subventions gouvernementales. Alors du côté ouest, le point de départ de la ligne de chemin de fer, c'est la petite ville de Sacramento, en Californie. Quatre commerçants se sont lancés dans l'aventure. Un épicier, un marchand d'étoffes et deux propriétaires de quincaillerie, vous imaginez. Vous voulez leur nom, je sens. Ah oui, avec plaisir. J'ai l'impression que vous voulez leur nom. Mark Hopkins, Collis Huntington, Leland Stanford et Charles Crocker. Donc on les appelle les Big Four à Sacramento, les quatre grands. Ils n'ont pas tellement d'expérience en matière de chemin de fer, il faut bien le dire, mais ils en ont dans le domaine des affaires. Et ce qu'ils veulent, eux, c'est toucher l'argent promis à ceux qui parviendront à relever le défi lancé par le président. Pour cela, ils ont fondé leur compagnie, la Central Pacific Railroad, de l'autre côté du pays, à 3000 km de là, dans la ville d'Omaha. Une autre compagnie ferroviaire est donc en train de s'engager dans la plus grande compétition de l'histoire du chemin de fer. C'est l'Union Pacific, dirigée par un financier qu'on connaît nettement mieux, un grand entrepreneur, Thomas Durant. Le 8 mai 1863, le premier coup de pioche est donné. Côté ouest, à Sacramento, les habitants de la petite ville californienne se sont réunis pour assister au début du chantier. C'est le président de la compagnie, c'est Stanford, qui plus tard donnera son nom à la célèbre université Stanford. D'ailleurs, c'est lui qui donne le premier coup de pioche. La construction peut commencer. Charles Crocker est nommé chef de chantier. Rapidement, il doit faire face à des obstacles. Mais alors, quand je vous dis des obstacles, c'est inouï. D'abord, le matériel dont il a besoin, les rails, la poudre, le fer, les locomotives, bref, tout vient de l'Est, parce qu'à l'époque, l'Ouest est très faible industriellement. Donc, il faut tout acheminer par voie maritime, par un voyage qui dure 4 mois avec des bateaux qui peuvent être attaqués. N'oubliez pas qu'on est en pleine guerre de sécession. Le pire des obstacles, c'est que pour avancer vers l'Est, la ligne de chemin de fer va devoir franchir les monstrueuses montagnes enneigées de la Sierra Nevada, à quelques kilomètres à peine de Sacramento. Ça monte à 4400 et quelques mètres là-bas, bien sûr. Pas mal de colons ont essayé de les traverser à pied, en chariot. La plupart ne sont jamais revenus. Alors, est-ce qu'une ligne de chemin de fer va pouvoir passer là où les hommes sont obligés de déclarer forfait ? De la série Les Mystères de l'Ouest à l'instant sur Europe 1 et Franck Ferrand vous fait revivre une magnifique aventure, celle des chemins de fer mythiques américains. Restez avec nous, la suite c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck, vous nous plongez au cœur de la passionnante histoire des chemins de fer américains et puis de cette mythique ligne transcontinentale. Alors, la construction est en train de la vivre entre Sacramento et Omaha. Nous sommes en 1863. Quel était l'état d'avancement du réseau ferroviaire américain à cette époque-là ? Alors, il était déjà assez développé. Vous savez que cette industrie américaine qui est en train de prendre de l'importance de l'étoffe dans les années 1850 et 60, elle est largement liée à ce chemin de fer et notamment à ces lignes qu'on a pu bâtir entre la côte atlantique et le Mississippi. Le problème, c'est que quand vous êtes arrivé dans le quasiment au centre des États-Unis, quand vous êtes au Mississippi, là, pour aller Jusqu'à l'ouest, il n'y avait rien. Vous étiez obligé de prendre un chariot bâché, tiré par des bœufs, dans le meilleur des cas par des chevaux. Et encore, je dis le meilleur des cas, c'est pas forcément plus sûr. Ou alors, vous preniez le bateau. Et il y en avait pour 4 mois. Pas de canal de Panama, bien entendu. Il faut faire le grand tour. Bref, alors on se dit néanmoins que pour essayer d'installer une ligne de chemin de fer qui franchisse la Sierra Nevada, il faut être complètement fou. Eh bien, ça tombe bien, l'ingénieur chargé d'étudier ce projet est un fou. Ou en tout cas, c'est la réputation qu'il a. Il est sans doute un des meilleurs d'Amérique, Theodore Judah, mais on l'appelle Judah le dingue. Parce que c'est vrai que ses projets paraissent toujours insensés. On se dit, mais comment est-ce qu'il va réussir une chose pareille? Il a calculé, lui, que pour franchir ces montagnes, il faut construire plus de 50 ponts. Il va falloir poser des tonnes et des tonnes et des tonnes de dynamite pour creuser 14 grands tunnels. Et puis surtout, qui dit pont, qui dit tunnel, dit main-d'œuvre. Il va falloir des dizaines de milliers d'hommes. Crocker doit embaucher les hommes. Il les embauche par milliers pour gérer, rien que pour gérer cette main-d'œuvre, il embauche le contremaître le plus inflexible de la région qui s'appelle Strawbridge. Il n'a qu'un œil, Strawbridge. Il a perdu l'autre pendant une explosion. Il ne se sépare jamais de son manche de pioche avec lequel il est capable de taper sur ce qui dérange. Donc, oui, Inutile de vous dire qu'on lui obéit au doigt et à l'œil. Dans un premier temps, ça se passe comme ça en tout cas, parce que très vite, les ouvriers, qu'on voit désormais creuser des tunnels, pousser des chariots, poser des rails sur des routes escarpées là de cette Sierra Nevada qui n'en finit plus de s'élever, les ouvriers sont attirés par tout autre chose que le maigre salaire que leur proposent les Big Four. Ils sont attirés par les mines d'or locales, bien entendu. N'oubliez pas qu'on est quelques années seulement après le fameux Gold Rush. Et bientôt, il n'y a plus personne pour continuer de construire la ligne. Alors que les 4 commerçants de Sacramento se désespèrent, se posent même la question de devoir ou non continuer un tel projet, c'est Crocker qui trouve la solution. Depuis quelques mois, de plus en plus d'immigrants chinois débarquent sur la côte ouest du pays. Ils arrivent par San Francisco. Ils fuient la famine qui les menace en Chine. Ils sont attirés évidemment par la réputation de ces côtes californiennes qu'on dit couvertes d'or ou remplies d'or en tout cas. Bref, on appelle, vous savez, en Chine, on appelle la Californie Gumchan, c'est-à-dire la montagne d'or. Eh bien, en 1863, ils vont être des dizaines de milliers, ces Chinois, à venir aux États-Unis pour, pour aider à la construction de ce chemin de fer. Crocker les embauche d'abord par centaines, puis bientôt par milliers, ceux qu'on va appeler les coolies. Les travailleurs chinois sont rapides, à l'aise sur les parois rocheuses de la montagne, ils évoluent vite, ils posent de plus en plus de rails, la ligne avance, et la voilà qui déjà maintenant serpente à travers la Sierra. Les conditions de travail, ai-je besoin de vous le préciser, sont incroyablement périlleuses. Je ne vous parle pas de la neige, du froid, etc. et des avalanches qui régulièrement détruisent tout ce qu'on vient de construire. Pire, elles emportent les hommes par escouade entière. Combien sont morts dans les montagnes de la Sierra Nevada pendant la construction du transcontinental? On ne connaît pas le nombre exact, mais évidemment plusieurs centaines d'hommes, peut-être plusieurs milliers entre nous soit dit. Parmi eux, donc, essentiellement des Chinois. Il y en a beaucoup dont le corps a été renvoyé en Chine pour qu'ils puissent être enterrés dans leur pays. Beaucoup, mais pas tous, bien sûr. Pendant ce temps-là, à 3000 kilomètres plus à l'est, la compagnie concurrente, donc l'Union Pacific, est en train de relever son défi de son côté. Elle n'a pu véritablement commencer le chantier que 18 mois après l'autre, car elle a été retardée, évidemment, par cette guerre civile, par la guerre de sécession, vous l'imaginez. Pendant cette année et demie, si je puis dire, l'Union Pacific n'a fait avancer la ligne que de 40 malheureux kilomètres, depuis son point de départ sur le Mississippi, c'est vous dire que, évidemment, pour l'instant, ça n'avance pas tellement. Lorsque la guerre de sécession prend fin, alors là, oui, on peut se lancer, on peut rouvrir le chantier, la main-d'œuvre est d'un seul coup disponible, elle afflue des milliers d'anciens soldats désœuvrés, mais aussi des aventuriers en tout genre, des repris de justice, des sans-emploi, vous voyez un petit peu la faune, tout ce monde-là va travailler pour le chemin de fer. Le chef des opérations, c'est un ancien général de la guerre de sécession, c'est Dodge, dont les ambitions sont immenses. Il impose à ses hommes une discipline de fer. Ils vont devoir apprendre à poser les rails de chemin de fer de plus en plus rapidement, de plus en plus précisément aussi. Il ne leur faut bientôt qu'une demi-minute pour poser un tronçon de rail. Vous imaginez ça? Je ne sais pas combien ça fait de long, un tronçon de rail. On posera la question tout à l'heure à Clive Lamming, mais une demi-minute pour poser un tronçon. Les hommes rudes et illettrés, nous raconte Clive, travaillant sous un soleil de plomb, ponctuant le rythme des gestes et des chants issus tout droit d'une culture qui donnera le jazz et le blues, et surtout le boogie-woogie, qui reprend le rythme des roues des boogies roulant sur les rails, les hommes produisent en une année ce que des ouvriers européens qualifiés peinent à réaliser en 10 ans. Vous avez bien entendu. Le soir venu, les ouvriers en question retrouvent leurs habitudes et à mesure que le chantier avance, bien entendu, on voit se déplacer ces gigantesques campements, une sorte de ville itinérante en fait, avec ces saloons où le whisky coule à flot. Enfin bon, bref, on est en plein western, il faut bien le dire, les petites femmes, la musique, les cancan parisien, etc. Dès que la paix arrive, les ouvriers dépensent tout ce qu'ils ont. Ces campements deviennent des lieux de débauche invraisemblables avec une violence qui fait la joie de tous les bancs. Dit du pays. Et lorsqu'arrive le soir, la journée de travail laisse en place aux bagarres, aux beuveries et à tout ce qu'on peut imaginer. C'est tout simplement le crime qui progresse à la vitesse du rail. C'est assez étonnant tout ça. De plus en plus d'ouvriers finissent dans des cercueils, mais pas pour des raisons, là, cette fois, d'accident du travail. Quoique, après tout, on pourrait peut-être appeler ça un accident du travail. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et cet après-midi, Franck, vous nous faites revivre l'épopée du train du Far West, cette ligne de chemin de fer qui traverse les États-Unis d'est en ouest, avec quand même des histoires assez étonnantes. Ah, oui, ces oui, saloons qui se transforment en scènes de crime. Et d'ailleurs, le général Dodge est obligé d'intervenir pour essayer de remettre un peu d'ordre. Alors, il va le faire lui aussi à coup de fusillade, c'est-à-dire on combat le mal par le mal, si je puis dire. On fait nettoyer les abords du chantier et ça recommence. L'Union Pacific peut continuer d'avancer, de traverser ces centaines de kilomètres de prairies au pas de charge, jusqu'à ce qu'elle arrive en territoire indien. Aïe. Ah oui, parce que là, évidemment, inutile de vous dire que les populations indigènes ne sont pas très enthousiastes de voir arriver le cheval de fer. C'est évidemment l'origine de nouvelles violences, d'un genre différent cette fois. En août 1867, Dodge fait une découverte horrible. 5 de ses poseurs de rails ont été abattus et scalpés, pour l'exemple. Les Indiens ont fait dérailler le train, enflammer la locomotive. Et un des ouvriers qui a survécu au carnage tient dans sa main son propre scalp. Je pense que c'était histoire de bien montrer aux autres ce qui pouvait leur arriver. La construction du chemin de fer là est vraiment menacée. On se demande de nouveau s'il faudrait abandonner. Alors Dodge n'est pas du genre de ceux qui abandonnent, inutile de vous dire. Il va tout simplement décider, alors ça c'est inouï, il va décider d'armer ses ouvriers. Et il engage un général absolument impitoyable pour mener aux Indiens des contrées traversées une véritable guerre. Beaucoup sont faits prisonniers, la plupart sont assassinés. Et c'est au terme de ce qui est un véritable massacre que l'on peut poursuivre la construction ferroviaire. Les hommes de l'Union Pacific reprennent à un rythme soutenu. Ils ont maintenant traversé l'état du Nebraska, ils arrivent aux confins du Wyoming. 800 kilomètres de voies ferrées ont déjà été posées et on se dirige maintenant avec détermination vers cette fameuse ville d'Ogden. Vous savez, dans l'Utah, c'était le point de rencontre. Mais alors, où en sont-ils là-bas de l'autre côté? Oui. Eh bien, de l'autre côté, nos Big Four sont toujours bloqués dans les montagnes de la Sierra Nevada avec des obstacles quasiment insurmontables. Dites-vous que depuis leur départ de Sacramento, alors que les autres ont fait plus de 800 km, vous avez vu, eux n'ont posé que 120 km de rails. Et ça, c'est lié notamment à la difficulté qu'on a à creuser les fameux tunnels nécessaires à l'avancement de la ligne. On utilisait jusqu'alors de la poudre à canon. Et la poudre à canon, c'est d'une efficacité extrêmement faible. Ça ne fait qu'égratigner la paroi rocheuse. Alors on va décider de passer à la méthode forte et d'utiliser, tenez-vous bien, la nitroglycérine. Vous savez, cet explosif extraordinairement puissant qui est contenu dans des petits flacons de verre. Et les flacons en question, on les descend au bout d'une corde jusqu'à l'endroit où doit avoir lieu l'explosion. C'est-à-dire que si jamais le flacon est trop secoué, ou si, alors là, s'il heurte la paroi rocheuse, c'est l'explosion immédiate avec des morts et des morts. Eh bien, c'est au prix de tous ces sacrifices que la nitroglycérine va faire avancer la partie ouest un peu plus lentement que l'autre, bien entendu. Les conditions de travail sont très pénibles pour les travailleurs chinois, et surtout quand l'hiver arrive, pour atteindre le point le plus élevé de leur route à travers la Sierra Nevada, ils ont dû creuser un immense tunnel de plus de 500 mètres de long, et là ils dorment en altitude dans des espèces de petits abris qu'on se construit sous la neige. Le travail est si rude pour tous ces Chinois que eux-mêmes, et pourtant on les croyait absolument, taillables et corvéables à merci, eh bien ils vont se mettre en grève. Là, Crocker se montre impitoyable, il les menace de la faim, et s'ils veulent reprendre le travail, et s'ils veulent se nourrir, pardon, il va falloir qu'ils reprennent le travail. C'est quand même très inhumain tout ce qui s'est passé là, bien sûr. Et on avance néanmoins dans la Sierra Nevada, les ouvriers vont pouvoir accélérer la cadence quand on a franchi les montagnes. Et là, alors d'un seul coup, on se met à poser les voies à une vitesse folle, un record historique. On dit que les ouvriers chinois de ce chantier arrivent à poser 15 kilomètres de voies par jour. Vous imaginez ça? Les deux compagnies vont redoubler d'efforts. À la fin de 68, on voit l'Union Pacifique dépasser la ville d'Ogden. Pourtant, c'était le point de jonction, hein. Le gouvernement américain est obligé d'intervenir. On fixe un nouveau point pour la jonction. Et ce point, ce sera donc Promontory Point. Bonjour Clive Lamming. Bonjour. C'est notamment grâce à vos travaux que nous pouvons raconter cette extraordinaire épopée. Il y en a bien d'autres, car on peut dire que l'aventure du chemin de fer au 19e et au 20e siècle aura marqué l'humanité et aura laissé des traces partout sur la planète. Nous y venons avec vous dans un instant. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. James Stewart, John Wayne ou encore Henry Fonda, la conquête de l'Ouest cet après-midi au cœur de l'histoire avec votre invité Franck Ferrand. Vous recevez Clive Lamming, il est historien des chemins de fer et c'est l'un des plus grands spécialistes, auteur de Chemins de fer mythiques, publié aux éditions du Chêne. Eh oui, alors laquelle des deux équipes va-t-elle en premier franchir la ligne d'arrivée, atteindre ce fameux Promontory Point choisi par le gouvernement américain? Eh bien, ce 30 avril 1869, ce sont les quatre commerçants de Sacramento, ce sont les Big Four, et oui, qui arrivent en premier. 48 heures plus tard, ils sont rejoints, mais 48 heures plus tard seulement, par les premiers ouvriers de l'Union Pacifique qui espéraient bien arriver là les premiers. Pendant ce temps, William Schilling, télégraphiste, nous dit Clive Lamming, raccorde son appareil à la ligne courant le long de la voie et envoie le télégramme le plus court du monde à la Maison Blanche, done. Ce qui veut dire, c'est fait. Une immense fête nationale est célébrée du 10 mai, écoutez bien ça, du 10 mai au 31 août 1869. Ça, c'est de la fête, ça. Dans l'ambiance que l'on devine à coups de revolvers tirés en l'air ou pas, de bagarres, de beuveries, de pianos, de glaces de lustre démolies dans les saloons, la côte de l'Atlantique et celle du Pacifique sont dès lors reliées de manière définitive. L'Amérique nouvelle et exemplaire, celle qui va dominer le monde, est née, nous dit Clive Lamming. Le voyage jusqu'alors durait 6 mois. Par chariot, hein, encore une fois, avec tous les inconvénients possibles et imaginables, eh bien désormais, on met seulement 7 jours, Clive Lamming. C'est une révolution impressionnante. Les États-Unis tels que nous les connaissons sont nés à ce moment-là. Ce chemin de fer a été le rêve, de fédérer les États-Unis, qui sont alors déchirés. Mais savez-vous, Franck, que ces deux compagnies n'avaient pas du tout envie de se rencontrer. C'est ça. Et quand on va se promener sur le lieu, Promontory Point, je connais très bien, les deux chantiers passent à 150 mètres l'un de l'autre. Donc il n'y a pas de vraie jonction. Il n'y a pas de vraie jonction, il n'en était pas question. Chacune voulait toucher la prime. Nous sommes au pays du libéralisme le plus exacerbé. Et aucune ne voulait se joindre avec l'autre, et chacune comptait bien faire les 3000 kilomètres. Donc les deux chantiers sont à 150 km l'un de l'autre, on peut toujours voir les deux tranchées. Et donc en fait, les voyageurs qui veulent aller d'une rive à l'autre sont obligés de franchir les 150 mètres, ça se passe comment? Exactement, le 10 mai à 14h47, on a oublié le libéralisme. C'est-à-dire qu'Abraham Lincoln, certes, il y a le done, mais il dit surtout « do it ». Il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut réunir ces deux chantiers. Et c'est à ce moment-là que, évidemment, l'autorité de l'État, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, commence à se manifester. Pourtant, les chantiers sont armés. Et savez-vous que chaque nuit, les ouvriers d'un chantier allaient démolir le chantier voisin? Eh oui, pour être le premier. Et alors, ces hommes qui travaillent sont surtout d'anciens soldats. démobilisés de la guerre de sécession. Beaucoup ont encore leurs uniformes et ils gagnent $3 par jour, ce qui est un salaire de misère. Ils n'ont droit qu'à du pain, de la viande de bison, de l'alcool et du café. Il n'y a pas d'eau dans cet endroit-là. Ni pour se baigner, ils ne s'en plaignent pas, ni pour boire. Donc il faut voir que les conditions sont extrêmement rudes. Oui, oui, c'est d'une dureté folle. Ils meurent comme des mouches. Absolument. Bien sûr, nous voyons, nous, avec beaucoup de recul et une forme de légèreté, nous voyons le côté folklorique. Mais dans la pratique, ça a été d'une violence, d'une dureté meurtrière. Le nombre de morts sur les deux chantiers, donc sur ce transcontinental, est incalculable. Non contrôlé. Non contrôlé. Mais alors, en compensation, on a fait de Promontory Point le seul lieu national américain actuellement, qui d'ailleurs dépend directement du ministère de la Culture, et c'est un national point, c'est-à-dire alors, c'est un point d'histoire nationale. C'est très curieux. Le 30 avril en question, on a posé ce qu'on appelle le Golden Pike. Expliquez-nous ce que c'est que ce spike. Ce spike, c'est un crampon. Le chemin de fer américain est très rudimentaire. On cloue les rails sur les traverses à grands coups de masse donnés en cadence au rythme des boogie-woogie. Et ce spike, il est en or. Croyez-moi qu'il a fallu... En or massif. En or massif. Oui. Seulement, on l'a beaucoup surveillé avec un homme en arme. La surveillance a dû durer 2 heures et très vite, on l'a discrètement retiré. Parce qu'on savait très bien qu'il ne resterait pas longtemps là. Ouais, il est actuellement au musée de Sacramento. Donc, vous voyez, le spike est revenu en acier comme les autres. Mais les rails ne sont pas tirfonné. Et même pour gagner du temps, les compagnies jettent les traverses et même le sol, il n'y a même pas de ballast. Ce qui fait que la voie n'est pas stabilisée. Il faut rouler très lentement. Mais ça, d'un seul le ballast, coup, ça vous rappelle des souvenirs. Oui, parce crois. Que je vois immédiatement Anissa qui ouvre de grands yeux. On était en train de parler de ballast avant de commencer cette émission. Exactement, ces cailloux sur les rails. Et qui finissent en s'arc-boutant par bloquer la traverse. Donc là, il y a des photographies d'époque où on voit les hommes jeter les traverses à même le sol et poser les rails dessus. Donc les traverses dansent, plus ou moins, s'enfoncent dans le sol. Mais alors, ça devient très dangereux de voyager là-dessus. Et il faut rouler très très lentement. Du coup, ça vibre et il y a du bruit. C'est ça, mais c'est surtout très peu performant, mais ça avait pour principal avantage de faire empocher la prime. C'était la prime qui comptait, pas tellement le service rendu. On sait que à toutes les périodes de l'humanité, qu'on parle des pyramides, des cathédrales ou des grands ponts, des grands ouvrages qui ont enjambé les vallées du 19e siècle, on sait que tous ces grands chantiers ont toujours fait avancer la société dans lesquelles il s'épanouissait, Clive Lamming. Est-ce qu'on peut dire qu'en l'occurrence, ce chantier du transcontinental a permis de faire des avancées sur le plan purement ferroviaire? Est-ce qu'on a fait des découvertes ou des inventions à l'occasion de ce chantier? Est-ce que le train en a bénéficié de ce transcontinental américain? Le chemin de fer est ce que les Américains appellent un « empire builder ». C'est un constructeur d'empire. Mais ce chemin de fer ne fait pas d'avancée, je dirais, technique. Non. On est prudemment classique. On est libéral jusqu'au bout, donc on n'innove pas. On préfère en mettre les innovations de côté. D'ailleurs, les compagnies à l'époque sont toujours pressées par des gens qui arrivent, des gens en lunettes, en général d'origine anglaise, un peu fous et qui aiment le train, et qui ont sous leur épaule, n'est-ce pas, des rouleaux de papier qu'ils déroulent sur la table. Ça veut dire une sacoche, mais même pas. Oui, même des pas, rouleaux. Non, ils ont des rouleaux de papier, ils ont des plans, ils ont des projets, mais on les a conduits en général avec beaucoup d'égards. Oui. Il est question d'un placement capitaliste, donc de rendement, alors, et pas d'innovation. Alors, si ça n'a rien apporté à l'histoire des chemins de fer, est-ce que ça a apporté à l'histoire des États-Unis? Est-ce que Absolument. Ce transcontinental a changé le pays? Comme le transsibérien, comme le chemin de fer du Pérou, tous ces grands trains ont permis des avancées au point de vue civilisation considérable. Parce que c'est un moyen de transport de masse. Finalement, la révolution industrielle britannique ne sert rien sans le chemin de fer qui devait transporter le charbon et éventuellement quelques personnes. Vous avez prononcé deux mots qui me titillent. Vous avez parlé du transsibérien, du chemin de fer du Pérou. Si vous voulez, nous allons en parler dans un instant. On va aller sur les chantiers les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Tout petit, je rêvais de gare, de train, de tch-tch, de tut-tut, de fumée blanche, de tunnel noir, de vaches aux grands yeux ingénus. Au fond, je n'avais qu'un espoir, voir du pays partir ailleurs. Maintenant, je vois tout ce qu'on peut voir, depuis que je suis convoyeur. À quel bonheur, d'être un vrai convoyeur. Ça met en train, ça, hein. Allez, en voiture. Mes premiers convois, c'est normal, furent des trains de marchandises. Moi j'étais dans le wagon postal, sans doute à cause de ma franchise. Plus tard, quand je fus au courant, je fis les lignes électriques et puis les wagons restaurants. Pour ma ligne, ce fut bénéfique. À quel bonheur, à quel bonheur, d'être un vrai, d'être un vrai, d'être un vrai convoyeur. Je suis un vrai bouc en train, moi, hein. Allez, en voiture. Un jour j'aurai sur ma casquette un beau galon comme mon cousin, et en soufflant dans ma trompette, c'est moi qui ferai partir le train. Debout dans le wagon de queue, sous l'œil envieux des voyageurs. Bourvil et Sacha Distel, le convoyeur à l'instant sur Europe 1, vous l'avez compris, le train est à l'honneur, l'histoire du train à l'honneur cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité, l'un des plus grands spécialistes, Clive Laiming. Il est historien des chemins de fer et il est aussi l'auteur, Franck, de Chemins de fer mythiques, publié aux éditions du Chêne. C'est un livre magnifique, ce sont les cartes de tous les chemins de fer du monde jusqu'au plus étonnant, à commencer par ce central Pérou qui défie non seulement la montagne mais aussi les cartes, dites-vous, Clive Laiming. Je lis dans cet ouvrage, à l'époque de Mermoz ou de Saint-Exupéry, la cordillère des Andes ne pouvait être survolée par les avions qui manquaient de la puissance nécessaire pour assurer leur sustentation dans un air raréfié. Et les pilotes devaient contourner les hautes montagnes ou suivre prudemment les vallées. Le train, lui, allait plus haut. Et souvent, dans la nuit, les aviateurs humiliés voyaient les lumières des trains les narguer depuis une altitude qui leur était interdite. Si c'est pas poétique, ça, les trains qui volent beaucoup plus haut que les avions, c'est quand même une des lignes les plus inouïes, ça, celle du Pérou. Parce qu'on parle de la Sierra Nevada, mais la cordillère des Andes, c'est pas mal non plus à franchir. C'est pas mal non plus. Là aussi, toute histoire commence par une sorte de fou. Ce coup-là, c'est Henry Meigs. Il aurait pu être anglais, il est américain. Il est de San Francisco et il est spécialisé dans la construction de tout le monde ne peut pas être anglais, hein, je suis tout désolé. Tout le monde ne peut pas être anglais, personne n'est parfait. Mais c'est ça. Oui, c'est ça. Et alors donc, Meigs, qui est américain, mais sans doute d'origine britannique, construit ce qu'on appelle des wharfs à San Francisco. Vous savez, ces sortes de jetées en bois. Et à force de construire des jetées, il finit par construire des ponts en bois pour les chemins de fer. Et c'est lui qui est obligé de fuir au Pérou pour des questions d'argent, parce qu'il ne rembourse pas ses créanciers. Et il devient vice-tyran du Pérou. Vice-tyran, voilà un joli nom. C'est voilà, bien plus joli que un beau titre, ça. Comme terme. Ouais. Et il propose au tyran. Vice-tyran. Vice-tyran. Voilà. Et il propose au tyran, c'est-à-dire au chef, au calife, il lui propose donc de construire cette ligne. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, descendre des montagnes, des minerais, il y a des quantités de choses dont le Pérou a besoin. Seulement, il n'y a pas d'argent. Donc il ne pourra pas faire des tunnels, il ne pourra pas faire des ponts. Et il va imaginer un système incroyable qui consiste à faire, vous savez, comme les skieurs de fond, de faire des zigzags pour monter. Et voilà. Pour monter. Donc le train avance, on change l'aiguillage, repart en marche arrière, recule tout en montant sur une autre voie, revient en avant. Donc le train fait des zigzags pour monter. Ça fait perdre beaucoup de temps. Avec une oscillation de plus en plus importante, évidemment. Des oscillations de plus en plus importantes. Le train, géographiquement, ne progresse pas. Il est toujours au même endroit, sur le même flanc de montagne, mais par contre, il gagne en altitude. D'ailleurs, donc, c'est cette sorte de pratique qui a inspiré à Hergé, dans le Temple du Soleil, bien sûr, cette fameuse sûr. Aventure du train qui dévale, qui part en marche arrière, qui revient en marche avant, parce qu'il y a toujours une montée pour que le train puisse revenir. Et il y aurait eu, je pense, on peut faire confiance à Hergé, un ou deux accidents absolument sensationnels. Oui, oui, moi, alors, je me rappelle avoir raconté pour Pierre Bellemare, il y a très longtemps, une histoire absolument fascinante de ce train du Pérou. Seulement, Meigs n'a pas de carte non plus. Donc c'est un chemin de fer qui va être fait en explorant, et explorant à cheval. Et Meigs n'a pas le choix. Il n'y a qu'un torrent qui dévale dans la montagne. Donc il lui faut finalement absolument monter ce torrent. Seulement les torrents ne dévalent pas d'une manière continue. Il y a des verrous, des locks, comme on appelle ça les Anglais, avec des cascades. Donc à chaque fois qu'il y a une cascade, il faut qu'il fasse marche arrière et qu'il fasse des zigzags dans la montée pour passer par-dessus la cascade. Alors, on pourrait évidemment, et il y a une très belle émission de télé d'ailleurs, hein, sur des trains pas comme les autres, on pourrait évoquer toutes ces lignes toutes plus fabuleuses les unes que les autres. La plus mythique sans doute, celle qui fait le plus rêver en tout cas lorsqu'on est ici en Europe, c'est le fameux transsibérien. Alors, on ne va pas évoquer tout le transsibérien, et on y passerait des émissions entières. Une chose quand même, des petits détails, si je puis dire. D'abord, c'est quand même le seul train qui roule sur des lacs. Ça, il faut le voir. Ça, quand même. Le transsibérien a été posé à même la toundra. Mm-hmm. Et savez-vous que lorsqu'on pose les premières voies sans ballast aussi, les traverses s'enfoncent quand le train avance. C'est très joli, ça fait des petits jets d'eau qui sortent des traverses à chaque bout. Les trains avancent accompagnés de jets d'eau. Alors ce chemin de fer a été voulu par le tsar et le chantier devait être au départ de 400 000 roubles, il a dû finir à plusieurs millions comme d'habitude pour ne rien changer. Mais lui, il tenait à son train jouet parce qu'il s'agissait de faire la guerre aux Japonais. Ouais. Et donc c'est pour cela que le train... On ne pouvait pas se croiser, il n'y avait pas de d'aiguillage. Alors en fait, ceci m'a été raconté par Claude Bouling, le pianiste. Mmh. Sa grand-mère avait voyagé sur le transsibérien à une époque où il n'y avait pas encore de gare et d'évitement. Et de double voie. Et de double voie pour éviter. Mmh. Et alors les trains, on faisait descendre les voyageurs, on mettait des cordes sur les toits des wagons et des chevaux les tiraient pour coucher les voitures sur un lit de fumier. Dressé le long de la voie. Oh, le train couchait, cédait comme ça les rails au train croiseur qui lui pouvait passer. Et après, on remontait le train sur les rails. Il suffisait de faire rouler les wagons et ça tombait juste. Ils s'emboîtaient exactement sur les rails. Donc, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais par la suite, le tsar est bien obligé de construire des gares avec des maçons italiens, de construire de mettre de belles locomotives avec des constructeurs anglais. Et les Français lui font des voies absolument impeccables. Dans quelques instants, dans la partie de l'émission que nous consacrons régulièrement au patrimoine et à tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'on peut visiter, on va parler d'un certain nombre de gares françaises. On va parler aussi de ces ouvrages, ce qu'on appelle ces ouvrages d'art absolument magnifiques et qui souvent, pour les architectes, ont été non seulement des défis à relever, mais des tours de force qui les ont définitivement immortalisés. Mais avant cela, Clive Lamming, j'aimerais que vous nous parliez de votre projet, si je puis dire. C'est cette ligne de la Chine à l'Europe, mais qui passerait, celle-là, par l'Afghanistan. Ça paraît un peu utopique, comme ça dit. Ça se passe au G8 en 2011 à Paris, il y a un G8 spécial d'Afghanistan. Et le ministère des Affaires étrangères cherche un expert pour pouvoir présenter un projet pour l'Afghanistan. Personne ne se présente. Et d'ailleurs, il me cherche moi, et au Royaume-Uni, croyant que j'étais anglais, les Anglais expliquent « Non, vous l'avez en France, il est à votre disposition. » Et je présente à ce moment-là au gouvernement afghan et à l'ensemble des gouvernements du G8 un projet qui consiste à relier la Chine à l'Europe directement par l'Afghanistan, l'Iran et la Turquie, avec pour gros avantage, c'est que nous sommes en voie normale. Parce qu'il faut comprendre que les Russes ont un écartement spécial. Les trains ne peuvent pas passer d'Europe en Russie, comme d'ailleurs ils ne peuvent pas passer d'Europe en Espagne, ou aussi d'Europe en Finlande. Il y a divers écartements qui sont autant, je dirais, de verrous. Un train s'emboîte sur les rails. Et alors, ce qui est intéressant entre la Chine et l'Europe, c'est qu'il y a pour 320 milliards d'euros d'échanges chaque année, et il manquait un maillon pour avoir une ligne complète, qui était le maillon afghan. Il manquait 970 kilomètres pour avoir d'un seul coup 10 000 kilomètres de voie normale, et on met 12 jours au lieu de mettre 40 jours par la mer. Alors donc, ça verra le jour, ce train afghan ? Ça va se faire. J'ai ici le document qui l'a prouvé, je n'y croyais pas. Vous savez que pendant 4 ans, j'ai fait du lobbying auprès d'ambassadeurs à l'Assemblée nationale. Je suis allé dans des réunions de chemin de fer, mais le chemin de fer est accepté. Il est financé par la Banque Asiatique de Développement. Moi, j'avais estimé ça à 15 milliards d'euros, je sais compter. C'est 16,7 milliards. Et donc, le chemin de fer va être financé et construit. Formidable. Et il va passer à 5000 mètres d'altitude dans la vallée très sauvage du Vakhan. En passant un col qui est absolument incroyable. 5000 mètres d'altitude. C'est le fameux col que André Citroën n'a pu franchir pendant la croisière jaune. Incroyable. Il a dû faire demi-tour tellement le pays est sauvage. L'histoire par les cartes, chemin de fer mythique de Clive Lamming, c'est indispensable et c'est aux éditions du Chêne. Europe 1, au cœur de l'histoire. Reviens dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et comme tous les jours, juste avant 15h, Franck, vous nous proposez une balade. Alors, cette fois-ci, c'est une balade à travers toute la France. Ben voilà. Est-ce que vous savez où se trouve le plus haut viaduc du monde, qui culmine à 122 mètres au-dessus de la Truyère? Il fait quand même un demi-kilomètre de long. C'est le chef-d'œuvre de Gustave Eiffel. On dit d'ailleurs qu'il a servi un peu de répétition générale pour l'utilisation des modules qui ensuite ont permis de construire la Tour Eiffel. C'est bien sûr le viaduc de Garabit, un endroit absolument magnifique dans l'est du Cantal, au sud de Clermont-Ferrand. On est sur la ligne de Béziers à Neussargues. Tout en fer, il est peint en rouge en ce moment, le viaduc de Garabit, on le voit de loin. Et il est réalisé pas très longtemps avant la Tour Eiffel, de 1880 à 1884. On peut le visiter, il y a toutes sortes de conférences d'organisées. Il faut le voir la nuit notamment, c'est tout particulièrement spectaculaire. Dans le Tarn, il y a aussi le viaduc de Viaure, qui culmine à 116 mètres au-dessus du sol, si on peut dire. Et qui est un chef-d'œuvre de métal conçu entre 97 et 1902 par Paul Baudin, qui avait gagné justement le concours d'architecture devant Eiffel. Ça, ça a dû être assez terrible. Et qui domine, comme son nom l'indique, la Viaur, qui est une petite rivière. Alors, on pourrait multiplier comme ça les... Moi, j'en ai... Enfin bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Il y en a des quantités de ces ouvrages d'art absolument magnifiques et qui nous donnent une haute idée de ce qu'était l'ingénierie au 19e siècle. Hein, splendide. Mais je voudrais juste dire un mot de quelques-unes des gares de France. On pense toujours, bien sûr, à la gare de Limoges-Bénédictin, ainsi appelée parce qu'elle a été bâtie sur les terres d'un ancien couvent bénédictin, inaugurée en 1929 avec cette extraordinaire coupole à 31 mètres de haut, avec un campanile qui lui va carrément jusqu'à 61 mètres, très richement ouvragée. Elle est belle, la gare de... La gare préférée des Français. Oui, voilà. Il y en a une autre, alors évidemment, elle est moins française dans son inspiration, mais j'étais l'autre jour à Metz, vous savez, et j'étais admiratif quand même devant cette incroyable gare, le gros lapsus, cette gare bâtie par les Allemands, bien sûr, en style dit colonial, c'est-à-dire la copie de la gare de Danzig, et aussi de Colmar. Néo-romane, on peut dire, d'une certaine manière, et c'est un architecte berlinois qui s'appelait Jürgen Kröger qui l'avait bâtie. Elle est quand même assez spectaculaire. Et puis, bien sûr, nous aurons garde d'oublier la gare de Perpignan. C'est toujours à la gare de Perpignan que me viennent les idées les plus géniales de ma vie, a dit Salvador Dali. L'arrivée à la gare de Perpignan est l'occasion d'une véritable éjaculation mentale qui atteint la plus grande et sublime hauteur spéculative. Il faut qu'on peut-être s'en arrêter là. Ça, on arrive à la fin de l'émission, ça tombe bien, mais avec Salvador Dali, ça culmine. C'est le centre du monde. Oui, c'est vrai. Il l'avait appelé le centre du monde. Et le quartier autour de Perpignan s'appelle toujours le centre du monde. Notre nombril à tous. Et le moment est venu de retrouver Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Oui, merci Franck et bonjour à vous. Peut-on faire l'histoire d'un concept ou est-ce qu'on présume en le faisant qu'une passion change avec le temps ? On en parle tout de suite dans Qui Vive, on se penche sur la question redoutable du bien et du mal. Merci beaucoup Raphaël, et bien je vous donne rendez-vous lundi à 14h au cœur de l'histoire.